bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur FudgeLK Transport 2 pour l'émission Code du Beloved. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super bien. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission Reggae où je vais présenter plusieurs artistes Reggae, Dancehall, de plusieurs styles hein, forcément, comme d'habitude, comme dimanche soir à 21h. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous propose qu'on commence dès à présent. Allez, notre premier artiste les amis est Muslim. C'est un chanteur arabe et sa chanson s'appelle Mama et c'est un peu dancehall comme ça. Et vous allez voir la chanson là, je l'adore. Pour ceux qui parlent arabe, vous allez comprendre, vous allez voir que les paroles sont fantastiques. Et pour ceux qui comprennent pas l'arabe, tout simplement dans la chanson, il fait que des compliments à sa mère comme beaucoup d'enfants. On le dit pas souvent, généralement moi je sais qu'à ma mère je fais pas beaucoup de compliments. Et c'est un tort, hein. Mais je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de compliments aux gens. Je m'en fais déjà pas à moi-même, donc aux autres, ça j'en fais pas non plus. C'est un tort parce que au fond, on sait tous qu'on aime nos parents, la famille. On sait qu'on les aime, mais il faudrait leur dire. Donc en passant cette chanson, La dernière fois, ma mère m'a dit, tu me fais jamais de compliments. En passant cette chanson, Tout ce que le chanteur dit. C'est ce que j'aimerais dire à ma mère, mais vu que je suis pas quelqu'un qui dit ce qu'il pense aux autres quand c'est des compliments, des petits je t'aime et tout ça, je lui dis en chanson, voilà. C'est ce qu'il dit dans la chanson, en gros, hein, il dit en gros que voilà, elle est là, qu'elle protège, voilà, ceci, cela, que grâce à elle, il arrête de penser aux ténèbres et tout ça. Enfin, voilà, en gros, voilà, vraiment en gros, vous allez voir. On va pas rentrer plus dans les détails parce que je vais pas vous faire la chanson non plus. Vous allez voir que la chanson est juste magnifique. Et si vous voulez voir les paroles, vous pouvez aller sur YouTube, taper Muslim Mama, traduction française, et vous aurez les paroles. Vous allez voir, les paroles sont juste magnifiques. Allez, c'est tout de suite Muslim Mama sur Fadjet. انا يا نصاف باش نوصل ليك داكشي اللي حاس بيه واللي كنشوفه فيك ما يكفي العمر وما يكفي خلود حيت كنبغيك كيما بلا حدود بجميع اللغات انا باغي نقولها لك وغادي نغنيها باش نوصلها لك ماما تكير وجو تامي لافيو نبغيك يا ماما انت الروح اللي حياة الحاني انت اللي عطيتي لكلامي معاني انت القوى في اللي حلات لساني وانت هي النوطة اللي سحراني أرضي انتي وقلبك موطيني نفديك بعمري قبل ما تساوميني كلام العالم كله ما يكفيني نوصف في احساسي من اللي طميني نخلق من جديد من اللي كنشوف الابتسامة وين ماما تقول لي ولدي على سلامة كتحييني من اللي تهمس بكلامة حيت ربي جعل الجنة تحت قدامة كنولي شاعر كل مشاعر نكتب ونغني ونتفنن في الحاني باغي نقولك نبغيك بلغة كل الفنون حيت عليك يدور الكون نبغيك يما تخسخ جامة يما أركمتي ريخة ينا إيش لي بديش ماما I love you mom شو تيم ماما ماما تي أمو إكوفان يا ماما يما نبغيك أنا فوق ما كتخيلي أنتي القمر اللي مضويلي ليلي ما عرفت علاش دموعي باغا تسيل يمكن تفهمي كلام الدموع حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب تبغيني كيما انا واخا العيوب ما كاينة الامرا اللي فيها انا كندوب من غيرك يما انت اللي تفهمي لغة عيوني انت اللي عيونك يجاوبوني واذا كلماتي خانوني كلماتك هي قانوني انت ماشي بشر انت ملاكي انت اللي كل الدنيا ما تسواكي وانا بالفرحة ضحك وباكي كل امال وطموحي رضاكي هاكي قلبي خودي سمعي دقاته كل دقة اسرع من اللي فاته باغي نقولك باللي انت اللي سكناته حيت ملي تبلش كون من غيرك اسقاته خليني نتفلسف نكتب ونالف يتسالى الكلام وعمري ما نقدر نوصف يما شحال كنبغيك فوق كل الظنون حيت عليك يدور الكون نبغيك يما تخسخ جامة يما اركبتي ريخة ينا ايش لي بديش ماما I love you mom شو تيم ماما ماما تي امو اكوفان يا ماما صدقك انا فوق ما كتخيلي انتي القمر اللي مضويلي ليلي ما عرفت علاش دموعي باغا تزيد يمكن تفهمي كلام الدموع حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب تبغيني كيما انا واخا العيوب ما كاين الامر اللي فيها انا كندوب من غيرك يما كيما صدقك انا فوق ما كتخيلي انتي القمر اللي مضويلي ليلي ما عرفت علاش دموعي باغا تزيد يمكن تفهمي كلام الدموع حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب تبغيني كيما انا واخا العيوب ما كاين الامر اللي فيها انا كندوب من غيرك يما بجميع اللغات انا باغي نقولها لك وغادي نغنيها باش نوصلها لك Eh bien voilà mes Rasta, c'était Mama de Muslim. Allez, notre deuxième chanson est Dubbing and Friends. C'est une chanson qui est sortie en février 2019, donc toute jeune, hein, j'ai envie de dire. Et le titre de la chanson est À travers les vagues. Et vous allez voir, c'est pareil, la chanson-là, c'est une tuerie, c'est une dinguerie, comme tous les dimanches soirs. Hein, toutes les chansons sont une dinguerie. Enfin, du moins, toutes les chansons que je passe, c'est une dinguerie. Dinguerie des dingueries, tout le monde connaît. Hein. Et vous allez voir que celle-là, vraiment, elle est su. Enfin, moi personnellement, je l'adore et j'espère que vous allez aimer aussi. C'est parti, mes Rasta. Si les frontières sont fermées au large, oh my brother, tell them. On nous destine à braver l'orage. Yeah, we are all citizens of the world, so shout it. Smile on your them suffering in a silence. Work on the whites and then pass to a tight fence. No wonder why the eyes stand for unity and guidance. Dans le désert, mais je n'ai pas le choix. Face à moi et à la mer, je n'ai pas de quoi. Moi j'ai trouvé un bison, vous n'êtes pas de moi. J'ai la couleur de la misère, on m'a licencié moi. Alors plus rien à foutre, on va risquer la vie. J'ai pas besoin de vos conseils et de tous vos avis. La vie c'est 50-50, tous on a un préavis. S'il faut sauver tous les miens, fuck la mort, voilà ma vie. Des enfants qui se demandent pourquoi, pourquoi s'en aller, pourquoi y aller. Cause they want to compound and control we. Put up with them barriers, them borders, so them can hold we. But who made them the judge and the jury? A game you a play, whether you choose him or choose me. So many in a poverty, I can't believe when me see people sleep on the streets. And enough of them a flee to protect them family from the financial war where you a keep. Quand la faucheuse frappe à toutes les portes du village, attendre son tour ou gagner de nouveaux rivages. Partir à tout prix, affronter les mauvais présages. A-t-il un espoir au-delà des barrages? Quand on laisse les nôtres périr au large, notre dignité sombre dans les larmes. Comment peut-on se regarder et rire aux larmes? On se joue sous nos yeux tous ces drames. Open the border, let we're cross. And give a message to your boss. Every man have the right to make a living. Every child have the right to say. Eh bien voilà, Meras. C'était Dubbing and Friends à travers les vagues. Allez, notre troisième musique est la Deep House. Et si je passe ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce que, pour ceux qui ne le savent pas, même si je l'ai déjà dit, mais peut-être qu'il y a des nouveaux hein, qui écoutent cette émission. Si vous êtes nouveau, bah écoutez, bienvenue. Et dans Call Duby Love, tout simplement. Et pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis tout simplement DJ depuis un peu plus d'un an maintenant. Et moi, je suis DJ House, Deep House, Electro House, tout ce qui tourne autour de la house, en fait. Et là, en fait, du coup, c'est une petite musique. Donc, Reggae Deep House. Et vous allez voir, c'est du reggae, mais remixé sur un rythme de 120-125 BPM environ. Voilà. Donc, c'est rapide, entre guillemets. Rapide, mais pas trop non plus, quoi. C'est mouvementé, on va dire. Et vous allez voir, c'est une tuerie. C'est une tuerie. J'en suis sûr que vous allez kiffer. Allez, c'est parti, Mirasta. We'll be right back. bien voilà mes Rastas, c'était Reggae Deep House. Plus, enfin c'était surtout Bob Marley quoi qui passait, hein. Mais sinon c'était Reggae Deep House. Donc voilà, donc vous voyez que c'est du reggae sauf que on a juste rajouté des kicks et des snares et des petits claps de par-ci par-là et hop, c'est fini, le remix est fait. C'est pas très compliqué, avec des logiciels comme FL Studio par exemple, on peut vite refaire un petit remix. Voilà, le conseil du DJ. Merci tout le monde. Allez maintenant, c'est du reggae portugais que je vais vous faire passer. Excusez-moi pour mon accent, je n'ai jamais appris le portugais. Vous allez peut-être vous moquer de moi s'il y a des portugais parmi nous, mais je n'ai jamais appris à parler portugais, je suis sincèrement désolé. Mais c'est Chaparro, parce que je pense qu'en portugais c'est comme en espagnol, on roule les R, hein, pourquoi pas, soyons fous. Et Rasna Tura. Ouais, ouais, c'est compliqué, hein, faut pas croire, c'est très très compliqué. Et le clip, ouais, ouais, c'est tellement compliqué que je sais même plus ce que je dis. Le titre, excusez-moi, est Culpa. Ça, je pense que je l'ai bien dit. Voilà, parmi tout ce que j'ai dit, je pense que c'est le truc que j'ai le mieux dit. Hein. Enfin, je pense, on n'est pas sûr, mais bon, on va dire ça pour me faire... Enfin, je vais dire ça pour me faire plaisir, hein, parce que... Voilà, voilà, c'est dur le dimanche soir. Mais bon, tout de suite, Culpa, hein, si c'est bien ça, sur Fadjet, let's go. Grandes cargas são grandes fardos, grandes homens a grandes feitos. Grandes cargas são grandes fardos, grandes homens a grandes feitos. When they go in town, qual foi o critério dos eleitos? Qual foi? Culpa, assumam vossa culpa. Assumam vossa culpa, roubar o povo, não tem desculpa. Culpa, assumam vossa culpa, roubar o povo, não tem desculpa. Pois somos nós, somos sempre nós. Com nossas forças, fortes ou fracas, fortes ou fracas, fortes ou fracas. Reerguemos da cinza, cravando estocas no peito da democracia. Democracia. É meu, é teu, és tu, sou eu e nós. A voz é a alma, é a gente e o Estado e todos que marcham em frente. O povo que sente na pele e na mente. Diz-me porquê, qual é a razão? Eu quero a verdade, já tenho idade, compreensão. Diz-me porquê, qual é a razão? Esta sociedade não vive a verdade. Tira, tira, tira e meia, pois tu sabes que mentir, teu irmão é coisa feia. Tira, mentira, mentira, tira, tira e meia, pois tu sabes que mentir, só se governem a esteira. Tira, mentira, mentira, tira, tira e meia, pois tu sabes que mentir, meu irmão é coisa feia. Tira, mentira, mentira, tira, tira e meia, pois tu sabes que mentir, só se governem a esteira. Culpa, culpa, assumam vossa culpa. Roubar o povo não tem desculpa. Culpa, culpa, assumam vossa culpa. Roubar o povo não tem desculpa. Assumam vossa culpa, roubar o povo, não tem desculpa. Culpa, assumam vossa culpa. O povo é meu, é teu, és tu, sou eu e nós. A voz é a alma, é a gente e o Estado e todos que marcham em frente. O povo que senta na pele e na mente. Diz-me porquê, qual é a razão? Eu quero a verdade, já tenho idade, compreensão. Diz-me porquê. Esta sociedade não vive a verdade com o coração. Tira, mentira, mentira, tira, tira e meia, pois tu sabes que mentir, meu irmão é coisa feia. Tira, mentira, mentira, tira, tira e meia, pois tu sabes que mentir, só se governem a esteira. Tira, mentira, mentira, tira, tira e meia, pois tu sabes que mentir, meu irmão é coisa feia. Tira, mentira, mentira, tira, tira e meia, pois tu sabes que mentir, só se governem a esteira. Eh bien voilà, mes Rasta, c'était cool, pas. Allez, notre prochain artiste est Express. J'aimerais bien vous dire le titre, le problème c'est que c'est du reggae japonais. Et je peux vous dire que le titre est écrit en japonais. C'est-à-dire que le nom de l'artiste, c'est Express. Bon, c'est déjà pas mal, on a déjà le nom de l'artiste. C'est déjà bien. Mais alors, le titre, impossible. Impossible. Alors là, excusez-moi, mais je ne comprends strictement rien. Rien du tout. Mais c'est plutôt pas mal. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est, même si je connais pas le titre, la musique, je la connais et elle est super bien. Donc c'est parti, Express, tout de suite, let's go. Yaga yaga yaga yaga yo, lada. Me a Express London place. Yaritai koto yaritai yo ni, moete nda marude taiyo no yo ni. Dekinai ato modori. Voilà, Merasta, c'était Express. Je vous l'ai dit, là, cette chanson-là, elle est juste énorme. C'est une dinguerie. Allez, notre prochaine artiste est Denny Bronze. Et la chanson est Here I Come. Vous allez voir, c'est pareil. C'est une dinguerie. Elle est superbe, cette chanson. Et let's go. Love and hate can never be friends, oh no, oh no. Here I come with love and I take you. bien voilà mes Rasta, c'était Donnie Brown's Here I Come. Allez, notre prochain artiste est Tyro et la chanson est Toxic. Let's go. J'aurais moins peur que le temps nous sépare et nous blesse. Que nos enfants de nous soient tout ce qu'il reste. J'ai honte mais je retourne ma veste. Je suis toxique. Je ne peux pas t'appartenir si je suis toxique. Mieux vaut ne pas me retenir. Oh oui, toxique. J'ai pas de plaisir à le dire mais je suis toxique. Des amants, ton meilleur ami comme ton confident. Te soutenir dans tes mauvais moments, discuter de nous, de nos sentiments. Pour toi j'irai jusqu'à la guerre, je soulèverai la terre. Mais je suis rongé par mes démons, tu finiras par vivre l'enfer. Je suis toxique, je ne peux pas t'appartenir si je suis toxique. Pas comme si tu savais pas. Si je m'en vais c'est aussi pour toi. Je ne fume plus que de la pure pour oublier ma maladie. Je n'irai pas au paradis. Je suis toxique. Comment pourrais-je t'appartenir si je suis toxique? Eh bien voilà mes Rasta, c'était Toxic de Tyro. Allez, notre dernier artiste, un artiste hyper connu dans le monde du reggae, c'est Alpha Blondy. Et cette chanson, je pense que c'est l'une de mes préférées de Alpha Blondy, c'est I Wish You Were Here. Vous allez voir, elle est géniale. Allez, let's go les amis. I walk on a part in the war. for a lead role in a cage. Et bien voilà mes Rastas, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi pour ma part, cette émission, je la trouve juste géniale. Vraiment, je trouve que j'ai passé de très très bons artistes, portugais, japonais, tout, c'est de la folie. Sur ce, je vous dis dans deux semaines, hein, tout simplement, car la semaine prochaine, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en Angleterre pendant une semaine, donc je pourrai malheureusement pas être présent. Hein, je reviens après lundi, hein, exactement lundi. Donc dans deux semaines je serai là, mais la semaine prochaine je ne serai pas là, oui je sais, c'est très compliqué, j'ai même envie de pleurer, je vais pas vous le cacher, j'ai envie de pleurer, mais bon on se retient, car on passe quand même du Alpha Blondie et c'est bonne ambiance man, tu connais, allez à dans deux semaines les Rasta, bonne soirée à toutes et à tous.